Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, une erreur judiciaire, l'affaire Marc Machin. En décembre 2001, ce jeune homme de 19 ans est interpellé dans le cadre d'une enquête sur le meurtre de Marie-Agnès Bedeau. Condamné plusieurs fois pour des agressions sexuelles et vols avec violence, il a le profil du coupable idéal. Les policiers de la brigade criminelle ne disposent d'aucune preuve, mais d'un seul témoignage, celui d'une infirmière fort belle. Elle a croisé Marc Machin sur le pont de Neuilly le matin du crime. Les enquêteurs se lancent alors dans une course contre la montre pour faire avouer Marc Machin ce qu'il fait à l'issue de sa garde à vue. Et malgré sa rétractation, il est condamné deux fois en première instance et en appel à 18 ans de prison. Voilà, c'est réglé. Sauf qu'en 2008, un homme se présente au commissariat de Nanterre et livre un témoignage qui relance toute l'affaire. Il s'appelle David Sagnot. Il avoue le meurtre de Marie-Agnès Bedeau, mais aussi celui de Marie-Judith Arrogeau, elle aussi retrouvée morte sur le pont de Neuilly. Notre invité aujourd'hui, Valérie Mao, journaliste au Parisien et auteur de l'ouvrage « Une erreur judiciaire presque parfaite ». Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Mora, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Samedi 1er décembre 2001, Marie-Agnès Bedeau sort de son appartement dans le quartier d'affaires de la Défense, près de Paris. Cette femme de 45 ans, divorcée, mère de 3 enfants, s'est levée tôt pour se rendre à son club de gym. Ses enfants dorment encore quand elle quitte l'appartement. Elle place ses écouteurs sur les oreilles et allume son baladeur CD. Ce matin, elle écoute le blues rock de Johnny Rivers. L'hiver est humide mais doux, elle décide de faire le trajet à pied. D'un bon pas, elle n'est qu'une trentaine de minutes pour se rendre dans la salle de sport par le pont de Neuilly. Vers 9h30, Robert, un SDF d'une quarantaine d'années, emprunte le pont à son tour. Au milieu, il décide de descendre l'escalier pour se soulager à l'abri des regards. Mais à la troisième ou quatrième marche, il voit une flaque de sang. Un cadavre est étendu sur le ventre. Vu la silhouette, c'est une femme. Robert, paniqué, fait demi-tour, se rend à la Défense et achète des bières. Mais il ne peut oublier cette image d'horreur. Alors, il se rend au commissariat. Lorsque les enquêteurs arrivent sur les marches du pont de Neuilly, les pompiers sont déjà là. Ils retournent le corps, aucun doute, c'est un meurtre. Et les blessures suggèrent aux pompiers qu'il a été commis à l'arme blanche, probablement un couteau de cuisine. Dans une poche du blouson de la victime, les policiers trouvent une carte orange au nom de Marie-Agnès Bedeau. L'enquête s'annonce difficile. Pas d'armes de crime, ni de témoins. Le substitut du procureur, Yves Janier, se souvient des possibilités qu'il envisage alors, à l'époque. Il en témoigne dans l'émission « Faites entrer l'accusé », Marc Machin, les meurtres du pont de Neuilly, diffusé sur France 2, interview de Nicolas Grimois. Est-ce que c'est un proche? Est-ce que c'est une ancienne relation qui est à l'origine de ces faits? Est-ce que c'est un maniaque, un criminel, peut-être est-ce le début d'une série? Donc c'est un peu une course contre la montre qui va s'engager dans l'enquête. Mais une course contre la montre, car ce crime n'a pas lieu dans n'importe quelle commune. La ville est administrée par un certain Nicolas Sarkozy, et ce meurtre d'une femme sans histoire risque d'effrayer les résidents de Neuilly-sur-Seine, des gens de pouvoir et d'argent pour la plupart. Il faut donc rapidement mettre la main sur le coupable. L'enquête est confiée à la brigade criminelle du 36 quai des Orfèvres. Ce sont les seigneurs, les meilleurs flics de France. Le gratin, quoi. L'enquête du pont de Neuilly peut donc commencer. Les policiers de la crime se renseignent sur l'entourage de Marie-Agnès, et notamment ses deux ex-maris. Mais les enquêteurs écartent très vite la piste du crime commis par un proche. Premier élément, Marie-Agnès ne connaissait pas son meurtrier. Alors, pourquoi l'a-t-il tué ? Crime crapuleux, ça ne tient pas, ses bijoux n'ont pas été volés. Crime sexuel, le médecin légiste ne relève aucune trace d'agression. pour tenter de trouver une piste, les enquêteurs de la crime se rendent le lendemain sur le pont de Neuilly à la recherche de témoins. Ils trouvent une infirmière présente au même moment, la veille. Et justement, hier, un homme l'a agressée sur la passerelle menant au pont. Convoquée au 36 quai des Orfèvres, elle raconte en détail ce qu'elle a vécu. J'ai senti que quelqu'un me dévisageait. Et en effet, un homme se trouvait à une cinquantaine de mètres de moi, venant du pont, et donc vers moi. C'est son attitude qui m'a inquiété, car tout en marchant vers moi, il me regardait fixement. Arrivé à ma hauteur, il a marqué un ralentissement dans sa démarche et m'a dit « Excusez-moi, madame ». J'ai alors également marqué un temps d'arrêt et il a ajouté « Voulez-vous que je vous suce la chatte ?» J'ai répondu « Non, merci » et je me suis mise à courir. Paniquée, Sylvia a pris la fuite, mais elle a retenu le visage de son agresseur. Et elle le décrit aux enquêteurs. Type européen, 25 ans environ, cheveux bruns coupés courts, les experts de l'information judiciaire dessinent son portrait robot. Sylvia ajoute qu'il portait un blouson de cuir marron-noir, type aviateur avec col en fourrure beige. C'est la seule piste pour la crime. Elle est mince, et il n'y en a pas d'autre. Alors on envoie le portrait et le signalement dans tous les commissariats de la région. Pendant plusieurs jours, quelques débuts de piste, certes, mais rien de vraiment concluant. Mais le 12 décembre, plus de 10 jours après le meurtre, un policier du commissariat de Suresnes, ville proche de Neuilly, se remémore l'interpellation d'un homme pour une violente agression sexuelle. Ce sont les propos crus prononcés par le suspect qui a agressé l'infirmière qui retiennent son attention. Et le policier n'a pas oublié le nom de l'agresseur, un nom qu'il ne s'oublie pas, Marc Machin. En mars 2000, ce tout jeune homme d'à peine 18 ans aborde une femme de 45 ans dans un train de banlieue. Il descend au même arrêt, la suit dans la rue jusqu'à son hall d'immeuble et lui fait une proposition indécente. Elle refuse, il lui bloque la sortie et la viole. Il ne s'enfuit qu'à la faveur de l'intervention d'un passant. Le profil de ce garçon intéresse forcément les inspecteurs de la crime. Ils décident de retourner voir Sylvia, l'infirmière agressée sur la passerelle, pour lui présenter une série de photos. Parmi 8 clichés, elle désigne le numéro 3. Or, cette photo numéro 3, c'est celle de Marc Machin. Le lendemain matin, le 13 décembre 2001, les policiers se présentent devant un immeuble de l'impasse Raymond Queneau dans le 18e arrondissement de Paris. C'est là que vit Marc Machin, chez son père, avec son petit frère. Lorsque les enquêteurs sonnent à l'interphone ce matin-là, il ne dort pas. Avec son frère et son cousin, ils ont fait nuit blanche enchaînant les joints et les parties de PlayStation. Son père, lui aussi policier, lance à son fils... « Marc, il y a des collègues qui sont là. T'as encore fait des conneries ?»« Papa, je t'assure, à part quelques vols à l'étalage, j'ai rien fait de gravissime depuis février. » Les policiers fouillent l'appartement à la recherche de preuves. Ils espèrent, avec un peu de chance, tomber sur l'arme de crime. Mais c'est lorsqu'ils découvrent un blouson de style aviateur qu'ils jubilent et ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Marc Machin raconte ce moment dans son livre « Seul contre tous ». Les flics le saisissent avec d'autres fringues portées les semaines passées. Jusqu'ici, je panique un peu, mais je me dis que les flics doivent être là pour un petit délit passé. D'ailleurs, je ne percute même pas qu'ils appartiennent à la brigade criminelle. Mais quand ils demandent à mon père s'il a des couteaux, je commence à flipper sérieusement. Après la perquisition, ils emmènent Marc Machin, mais lui font grâce des menottes après tout. Son père est l'un de leurs collègues. Au balcon, le petit frère est en pleurs. Marc tente de le rassurer, t'inquiète pas, d'ici quelques heures, je suis de retour à la maison. Direction le 36 quai des Orfèvres. Marc a l'habitude des gardes à vue, des procès et même de la prison. C'est un écorché vif, impulsif, avec un phrasé de la rue. Plutôt petite frappe que grand caïd d'ailleurs, et condamné plusieurs fois dans les affaires d'agression sexuelle et de vol avec violence. Et devant les policiers de la crime, il sait bien qu'on doit lui reprocher plus que ça. Lors de la première audition, il décrit son quotidien de jeune oisif, une vie ponctuée par un lever plutôt tard, des visites à ses amis, le shit, écouter de la musique, le vol parfois, le jeu à longue sol et la picole souvent. On interroge ensuite Marc Machin sur ce qu'il a fait la nuit du 1er décembre. Difficile pour lui de donner un alibi, il ne travaille pas et vit souvent la nuit. Mais il répond aux enquêteurs. J'ai passé la nuit du vendredi au samedi rue Gaston Couté, Paris 18e, chez un copain, Gérard, qui m'héberge lorsque je rate le dernier métro et que je suis trop défoncé pour me rendre à pied chez moi. C'est pour cette raison que j'ai dormi chez mon copain. J'ai dû arriver chez Gérard vers 1h30 ou 2h. Gérard était absent, mais il m'a confié sa clé. Je me rappelle que vers 2 ou 3 heures, il a téléphoné et je lui ai dit que je dormais chez lui. J'étais avec mon copain, Francky, qui a dormi aussi chez Gérard, bien qu'il demeure à 100 mètres de là. J'aime pas dormir tout seul. Je précise tout de suite que je ne suis pas homosexuel, ni Gérard, ni aucun de mes potes. Les policiers ramènent Marc Machin en cellule. Ils le laissent mijoter avant de l'interroger une deuxième fois. Et de nouveau, en audition, ils lui annoncent la raison de son interpellation. On le soupçonne d'un meurtre à l'arme blanche. Le jeune homme est sous le choc. Et les mauvaises nouvelles s'enchaînent. Il a été identifié par un témoin. Une infirmière dit avoir été agressée par lui proche du lieu du crime. Et son alibi a été vérifié. Il ne tient pas. Non, ses amis, Francky et Gérard, ne sont pas en mesure de confirmer la version du suspect. Il mène une vie tout aussi dissolue que lui, où les souvenirs sont embrumés par l'alcool et la drogue. Marc Machin est présenté au seul témoin de l'affaire, la jeune infirmière. Mais contrairement à ce qui se fait habituellement, on ne montre pas Machin en compagnie d'autres hommes. Et pour couronner le tout, on lui demande de revêtir son blouson aviateur et de prononcer la fameuse phrase de l'agression. Autrement dit, tout est fait pour qu'il soit reconnu par la jeune femme. Derrière la glace sans teint, l'infirmier, en effet, confirme. La voix correspond et il s'agit bien de son agresseur, elle en est quasi certaine. À ce stade de la garde à vue, les policiers ne disposent que de ce mince élément. Il leur faut maintenant la preuve, l'aveu. Mais Marc Machin persiste, il n'a jamais mis les pieds sur le pont de Neuilly. Le temps presse. Les enquêteurs ne disposent que de 48 heures de garde à vue pour faire parler un jeune homme qui connaît bien les stratégies des policiers. Mais les flics de la crime ont du métier. Audition après audition, ils parviennent à faire admettre à Marc Machin qu'il y a des chances qu'il puisse avoir commis un tel meurtre. Désorienté et fatigué, Marc évoque même une possible double personnalité. Après plus de 30 heures de garde à vue, les enquêteurs font venir le père de Marc Machin pour l'interroger. Car le père est policier, rappelons-le. Lors de cette audition, un peu spéciale tout de même, le jeune homme est déstabilisé. Son père peut-il penser une seule seconde qu'il est coupable? Le doute s'installe. Et s'il était coupable? Lors de l'audition suivante, l'un des policiers fait tomber par maladresse ou stratagème les photos de la scène du crime. Marc Machin a vu un bref instant le corps ensanglanté de Marie-Agnès étendu sur le dos. La deuxième nuit de garde à vue commence, plus que 8 heures. Lorsque Frédéric Pechenard, le patron de la crime, quitte le 36 quai des Orfèvres, il lance à son équipe « Je lirai les aveux demain matin, autrement dit, vous avez intérêt à lui faire cracher le morceau ». Or, les enquêteurs n'ont pas encore abattu leur botte secrète pour obtenir ces aveux, car il y a un spécialiste en la matière, un certain Jean-Claude Mulès, alias la mule ou le maître. Il raconte cet épisode à la journaliste Valérie Mao dans l'ouvrage Une erreur judiciaire presque parfaite. J'étais à mon cabinet, enfin à mon bureau, il devait être 21h, 21h15. La situation était bloquée, il fallait absolument qu'il parle, qu'il s'explique. Étant chef procédurier, j'ai une certaine expérience de l'obtention des aveux. De l'obtention, j'insiste, hein, pas de l'extorsion. Alors j'ai dit à des collègues, amenez-le-moi, je vais l'écouter. Deux enquêteurs étaient présents, je vois le personnage, il avait froid. Je le réchauffe psychologiquement et en vrai. Jean-Claude Mulès garde toujours un gilet en cachemire dans son bureau. Il le donne à Marc Machin et lui propose une boisson chaude. Après quelques phrases échangées, le maître des aveux lui lance « Je suis sûr que tu as été victime d'une agression sexuelle vers l'âge de 7 ou 8 ans. » Et là, Marc Machin craque. Oui, il a été violé quand il était en famille d'accueil et il n'en avait jamais parlé à personne. Comme quoi, Jean-Claude Mulès a pris l'ascendant en quelques minutes. Le policier suggère alors à Marc qu'il a peut-être poignardé sans vouloir tuer. Mulès lui propose en fait un scénario de sortie clé en main. Des années plus tard, Marc confie à la journaliste Valérie Mao. Il m'a dit que mon père était un collègue, qu'il n'allait pas me lâcher, parler au juge et faire passer ça en homicide involontaire pour que je fasse 3 ans. Et il m'a donné sa carte de visite et m'a dit qu'il m'aiderait à entrer dans la Légion étrangère. L'échange entre Jean-Claude Mulès et Marc Machin ne dure qu'une 10 minutes, mais il va faire basculer une vie. Invité à réfléchir en cellule, Marc n'y reste que quelques instants, car très vite, il demande à être auditionné. C'est bon, il est prêt à parler. Le journaliste Frédéric Ploquin explique dans l'émission Faites entrer l'accusé en quoi ces aveux-là constituent un modèle du genre. Les aveux de Marc Machin sont considérés comme une espèce d'exemple suprême du travail que peut mener ce service d'élite qui est la brigade criminelle de Paris. C'est une vraie tradition de la police française, cette approche humaine des suspects. On les promène, on les malaxe, on les arrange, on les prépare et on les amène à accoucher de leur vérité. Il est 22h quand Marc Machin se décide à parler. Il commence par raconter son enfance, chaotique, dramatique, les viols subis en famille d'accueil, son échec scolaire, le décès de sa mère des suites du sida et celui de sa grand-mère, la personne qui comptait le plus pour lui. Et il enchaîne avec cette nuit d'errance du 1er décembre. Les bouteilles d'alcool volées dans une supérette, l'achat de barrettes de shit et cette balade nocturne dans le bois de Boulogne pour aller mater les prostituées. Puis les souvenirs sont de plus en plus flous à cause de l'alcool. Il ne se souvient pas avoir graissé la firmière sur le pont Neuilly, non. Non, son seul souvenir, c'est de s'être réveillé sur le pont à côté d'une femme gisant dans une mare de sang. Il n'a pas osé regarder son visage. Alors il a jeté le couteau dans l'eau et a pris la fuite jusqu'au quartier de la Défense. Voilà, il n'en sait pas plus. Le nombre de coups de couteau, aucune idée. Et puis, détail important, il parle d'un corps étendu sur le dos, alors que le corps a été retrouvé sur le ventre. Peu importe, mission accomplie pour la brigade criminelle. Marc Machin a avoué, tout va bien pour la brigade. Devant le juge d'instruction, il réitère ses aveux. On le place en détention provisoire. Mais très vite, il se demande comment il a pu avouer ce crime qui n'est pas le sien. C'est quelqu'un d'autre. Alors, 3 semaines après ses aveux, il se rétracte devant le juge. Il a craqué sous la pression des policiers, puis ils ont fait exprès de lui montrer les photos de la scène du crime pour qu'il puisse donner quelques détails dans ses aveux. Bref, il se dit manipulé et de toute manière, l'ADN va l'innocenter. Autrement dit, Marc Machin, à ce moment-là, a confiance. La science va le sauver. Protect me from what I want. Protect me, protect me. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. 22 mai 2002, peu avant midi, Pont de Neuilly. 6 mois après le meurtre de Marie-Agnès Bedeau, un deuxième cadavre est découvert sur les marches qui mènent au jardin de Louis, c'est le même escalier. Et les similitudes ne s'arrêtent pas là. La victime est encore une femme, qui elle aussi baigne dans une mare de sang. Le tueur s'est attaqué une nouvelle fois à une quadragénaire brune, au même endroit, à la même heure. Et celle-là s'appelle Marie-Judith Arrojo. L'enquête est confiée à la brigade criminelle, mais à un groupe différent. En l'espace d'un instant, les policiers se sont demandé si Marc Machin n'avait pas été libéré. Vérification faite, non, ce n'est pas lui, il dort bien derrière les barreaux. Alors, il s'agit peut-être de ce que les anglo-saxons appellent un copycat, un meurtrier qui aurait imité le premier crime. Finalement, l'enquête mène vers un SDF allemand, placé en détention provisoire, avant d'être finalement mis hors de cause par l'état génétique. En juillet 2002, les résultats d'analyse de l'ADN dans l'affaire Marc Machin sont également négatifs. Aucune trace du jeune homme sur le corps de Marie-Agnès Bedeau, ni sur ses vêtements, ni sur la scène de crime. Il avait raison, la science l'a sauvé. Sauf qu'il reste en prison. Car il y a toujours le témoignage de l'infirmière et les aveux du prévenu pendant la garde à vue, même s'il s'est rétracté par la suite et qu'il ne cesse désormais de clamer son innocence. Septembre 2004, cour d'assises des Hauts-de-Seine. Marc Machin a 2 jours pour convaincre les jurés qu'il n'a pas tué Marie-Agnès. Pantalon à pinces, chemise repassée, cheveux courts, il veut faire bonne figure. Dès qu'il a la parole, il se défend, mais très maladroitement. Il veut qu'on retrouve le vrai meurtrier et qu'on lui inflige la pire des peines. L'avocat général, qui avant le début de l'audience avait de sérieux doutes sur la solidité du dossier, finit par croire en la culpabilité de Marc Machin. Question de profil, pensez donc. Délinquant déjà condamné par agression pour agression sexuelle, son impulsivité laisse penser qu'il est capable de commettre un tel crime. D'ailleurs, la cour en est persuadée, dont acte, il est condamné à 18 ans de prison. Un peu plus tard, devant la cour d'appel de Versailles, il est condamné encore plus lourdement avec une peine de 18 ans, mais dont 12 de sûreté. Marc Machin n'est pas prêt de sortir de prison. Nous sommes le 4 mars 2008, il est 2h du matin. Ça fait maintenant des années que Marc croupit en prison. Ce jour-là, un SDF se présente au commissariat de la Défense. Il s'appelle David Sagnot. Il est sorti de prison il y a seulement une semaine, mais il a des révélations à faire aux policiers. Sans aucune émotion sur son visage, il annonce qu'il a tué les 2 femmes. Sur l'instant, les policiers pensent à une mauvaise blague. Mais non, l'homme a l'air très sérieux. Il n'a pas bu, il leur lance. Vous ne me croyez pas, mais c'est vrai. Et il donne les noms des 2 victimes. Et tout correspond, les dates, les noms. Les policiers sont de plus en plus troublés. D'autant qu'un homme a déjà été condamné pour l'un de ces meurtres, suivez mon regard. Philippe Courroy, alors procureur à Nanterre, reçoit la déposition de David Sagnot et la prend très au sérieux. Il l'explique dans l'émission « Faites entrer l'accusé ». Ces aveux sont apparus crédibles et en tout cas suffisamment importants pour que l'on puisse, bien sûr, les exploiter dans le cadre du dossier qui était toujours en cours à l'instruction non élucidée, mais dans le cadre aussi du premier dossier qui avait donné lieu à la condamnation de Marc Machin, parce que je me suis dit, nous sommes peut-être en présence d'une erreur judiciaire. Philippe Courroy demande si les scellés de l'affaire du premier meurtre du pont de Neuilly ont été conservés. Eh bien, par chance, oui. L'ADN va donc pouvoir parler. En attendant, David Sagnoux a donné de nombreux détails, dont certains tellement précis qu'il n'a pas pu les lire dans la presse. Notamment, il donne le titre du CD dans le baladeur de Marie-Agnès Bedeau, l'album de blues rock de Johnny Rivers. Et puis les résultats ADN tombent. Sous l'un des ongles de Marie-Agnès, la victime, on a retrouvé l'ADN de David Sagnoux. Le 1er juillet 2008, la commission de révision saisie par le garde des Sceaux, Rachida Dati, suspend la peine de Marc Machin. Son avocat réagit. Il faut admettre qu'effectivement, tout est exceptionnel. Aussi bien la personne qui se présente, que la conservation des scellés, que le très gros travail des juges d'instruction de Nanterre aujourd'hui, que le courage du procureur de la République de remettre cette affaire sur les débats, et finalement aussi le courage de la commission de venir dire que oui, l'erreur peut exister dans notre monde judiciaire et qu'il faut l'admettre et qu'il faut que ce soit réparé. Mais c'est loin d'être la fin du calvaire pour Marc Machin. Il ne sort pas de prison car il a été condamné à 3 mois pour avoir agressé un maton. En tout cas, depuis qu'on lui a annoncé qu'un homme a avoué les crimes, il ne tient plus en place. Évidemment, il est soulagé et enragé à la fois. En octobre 2008, il est enfin libéré. De nombreux journalistes l'attendent à sa sortie de prison. J'ai mangé quelques framboises. Ce petit goût juteux là et agréable qui fondait dans la bouche, c'était délicieux. J'ai touché, caressé la rosée du matin. C'est très agréable. Il a d'abord retrouvé son père ainsi que sa visiteuse de prison, celle qu'il considère comme sa mère adoptive, sa maman de cœur. Là, ils ont bu du champagne et les projets aujourd'hui deviennent tangibles. D'ici quelques temps, j'espère descendre dans le sud, parce que j'ai besoin de me ressourcer avant tout. Pouvoir m'insérer dans la société et travailler et fonder un foyer, c'est ce que je souhaite de tout mon cœur. J'ai jamais perdu espoir, j'ai toujours... J'espérais qu'un jour la vérité elle triompherait du mensonge. C'est un grand pas qui est fait, et donc... Disons que je suis soulagé, un peu plus serein. Donc voilà, là maintenant, tout ce que je souhaite, c'est pouvoir profiter de ma famille, des gens que j'aime et qui m'aiment, qui m'ont soutenu. Ça m'étonne moi-même d'avoir tenu le coup. J'aurais jamais pensé qu'un truc pareil aurait pu m'arriver. Et donc, je suis fier de moi, quoi. Par rapport à ça, de ne pas avoir baissé les bras ou m'être suicidé, je pense que j'ai démontré que j'étais quelqu'un de courageux. Justiciable un jour, justiciable toujours. Quelques mois après sa libération, Marc Machin a été interpellé et placé en détention provisoire après une agression sexuelle pour laquelle il va être condamné au bout du compte à 3 ans de prison. Le 13 avril 2010, dans l'affaire du meurtre de Marie-Agnès Bedeau, la cour de révision annule le verdict de 18 ans de réclusion et ordonne la tenue d'un nouveau procès. 2 ans plus tard, c'est David Sagnoux qui comparaît devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine. Doté d'une personnalité très complexe, le vrai coupable s'exprime avec un vocabulaire riche et raconte toutes les horreurs qu'il a commises avec une extrême froideur. Ce procès est aussi l'occasion d'entendre à la barre le témoignage de Jean-Claude Mulens, le policier qui avait obtenu les aveux de Marc Machin. Philippe Courroy, l'avocat général, le questionne sur ses méthodes. Le policier à la retraite se braque et estime qu'il n'a rien à se reprocher, s'il le dit. Et d'ailleurs, il ne se gêne pas et en remet une couche auprès des journalistes. De toute manière, il a déjà un passé assez chaotique. Et qu'est-ce qu'il a fait encore après, aussi, hein? Mais rétrospectivement, est-ce que vous ne dites pas que vous avez fait une erreur, tout simplement? Vous plaisantez, non? On était jusqu'au bout, on est allé jusqu'au bout. Hein. Il n'y a pas d'échec. Hein. Vous savez, une affaire criminelle, c'est pas un vol de paillasson. Hein. Quant à l'accusé David Sagnoux, on retrace sa lente dérive criminelle. Cet homme, qui n'a jamais travaillé, a sombré dans l'alcool dès son adolescence. Au fil des années, il s'est forgé un double dénommé Dan Kanaka. Malgré ses photos fantaisistes, les experts psychiatres ont estimé qu'il pouvait comparaître devant la justice. Et il est condamné à 30 ans de prison. La même année, en décembre 2012, s'ouvre le 3e procès de Marc Machin pour le meurtre de Marie-Agnès Bedeau. Situation ubuesque puisque David Sagnoux a été condamné pour ce même crime quelques mois plus tôt. Le 20 décembre 2012, Marc Machin est enfin acquitté et s'exprime devant les caméras. Mais je veux pas être dans un état d'esprit et de rancune, de rancœur, sinon je sais que j'avancerai pas et je m'en sortirai pas. Donc je préfère surmonter, évoluer. J'ai besoin de me reconstruire, de penser les cicatrices et surtout de me projeter, de me consacrer surtout sur l'avenir et mes objectifs et de les concrétiser. Est-ce que c'est réparable ? Non. Non. Marc Machin est devenu la 8e personne à quitter suite à une procédure de révision depuis 1945. En 2014, la Cour d'appel de Paris lui a octroyé 663 000 euros d'indemnité pour préjudice moral et matériel. Marc Machin a passé plus de 6 ans en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Il a été condamné sur la foi d'un seul témoignage et d'aveux obtenus par la manipulation de la brigade criminelle. Mais en 2018, donc tout récemment, on le retrouve dans la chronique judiciaire, mis en examen pour viol sous la menace d'une arme, extorsion, escroquerie, violation de domicile et vol. Summer rain taps at my window, west wind. Soft as a sweet dream, my love warm as a sunshine, sitting here by me. She's here by me. She stepped out of the rainbow, golden hair shining like moon glow, warm lips soft as a soul. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter aujourd'hui, le dossier Marc Machin dont nous allons parler avec ma consoeur Valérie Mao. Bonjour. Bonjour. Journaliste au Parisien, auteur de l'ouvrage intitulé « Une erreur judiciaire presque parfaite ». Oui, c'est ce que confirme le récit, on est bien là-dedans. Il est devenu, Marc Machin, la 8e personne à quitter après une procédure de révision depuis 1945. En 2014, la Cour de Paris lui a octroyé 663 000 euros d'indemnité. Alors, on l'a dit, et surtout on a terminé le récit en disant qu'il était encore sous le coup d'une procédure judiciaire pour des faits récents. Où en est-on de cette dernière procédure en date ? L'instruction n'est pas tout à fait terminée, mais approche de la fin. Donc si elle se termine d'ici 2-3 mois, comme ça a l'air de se profiler, il y aura peut-être un procès d'ici la fin de l'année. Et que risque-t-il ? La fourchette elle... pour cela. 15 ans. Alors, cette dérive de Marc Machin, de nouveau incarcéré, il avait pourtant dit, quand il était libéré, à l'issue de l'affaire qu'on a racontée, je veux m'insérer, je veux fonder une famille. Bon, je ne sais pas s'il a fondé une famille, je ne sais pas s'il s'est vraiment inséré, mais en tout cas la réponse n'est pas complètement oui au vu de la dernière affaire. Que s'est-il passé ? Non, et il a vraiment pas du tout réussi à rebondir. Il a même très vite vrillé et sombré. Il a, une fois qu'il a eu touché l'argent, il a eu envie d'en profiter un peu, soit, mais sauf qu'il en a profité beaucoup. Et il a dilapidé. Il a quasiment dilapidé. Oui, il a dilapidé son sa petite fortune, c'était quand même ah oui, 663 000 euros, voilà, c'est pas rien. De quoi, enfin, c'est pas rien, pardon, c'est pas rien dans l'absolu. Non, c'est pas rien dans l'absolu. Il faut vraiment le rapporter à ce, oui, qui, à ce qu'il à a vécu fait. Pendant, parce qu'il est resté en prison six ans, alors qu'il n'aurait pas dû y être, en tout cas pour ça. Oui, oui. Donc ça n'a pas de prix. Mais bon, dans l'absolu, c'est 663 000 euros. En tout cas, ça aurait dû lui servir à repartir et à effectivement enfin démarrer une vie stable. C'était son désir, c'est ce qu'il disait. Mais non, il n'a pas réussi. Je vous dis, il a commencé à flamber, à faire la bringue, à descendre sur la Côte d'Azur, se payer des beaux hôtels, enfin vivre la grande vie, et puis jusqu'au moment où il n'est plus resté grand-chose. Alors, et aussi sans doute qu'il a dépensé pour lui, mais je crois qu'il a aussi dépensé pour d'autres. Il a facilement rincé des copains ou pseudo-copains. Voilà, et il s'est retrouvé finalement en 3 ans à peu près à la rue. Quasiment à la rue. Donc il était hébergé dans un foyer où il n'allait pas trop dormir. Et donc quand il a été arrêté il y a 2 ans, là, c'est une époque où il dormait vraiment dans la rue. Il chapardait un petit peu d'argent quand il pouvait. Il surveillait si certaines personnes du quartier qu'il fréquentait laissaient leurs clés sous le paillasson pour pouvoir prendre la clé, entrer. Enfin bon, quelque chose comme ça qui s'est passé. Mmh. C'est d'une tristesse infinie. Alors, avant cela, donc, il y a eu cette erreur judiciaire, il y en a eu plusieurs dans l'histoire, évidemment, mais celle-ci est corrigée par un élément nouveau, donc un homme vient se dénoncer, c'est ce fameux David Sagnot. Vous commencez votre livre par cette scène, justement. Oui, c'est je crois qu'elle est complètement surréaliste. C'est surréaliste. Cette scène. Les deux policiers qui l'ont vu arriver, des années après, ils étaient encore sans voix, presque, ils arrivent à peine à le raconter. Tellement c'était dingue. C'était un type qu'ils avaient déjà vu, puisqu'ils zonnaient dans le quartier. Mais voir entrer quelqu'un en pleine nuit, pousser la porte et dire « Bonjour, je m'appelle un tel et j'ai tué 2 femmes », bon, c'est sidérant quand même, c'est difficile à croire. Alors le procès, vous avez assisté au procès de Marc Machin, avez-vous assisté au procès de David Sagnot? Oui. Alors parlez-moi des deux procès, les parallèles que vous avez pu faire, parce que là il y a un jeu de miroir qui est saisissant quand même. Oui, le procès de David Sagnot en 2008, il a été saisissant par la personnalité de David Sagnot, par l'enjeu, etc. évidemment. Et aussi, il se trouve que Marc Machin est venu quand même. Ouais. Il était déjà... alors là, il était incarcéré pour les agressions sexuelles commises juste après sa sortie de prison. Mais il a été extrait de cellule pour venir à la barre. Puisque Philippe Courroy, donc qui avait pris la place de l'avocat général au procès, avait tenu à l'interroger devant David Sagnot pour voir si oui ou non ils se connaissaient, puisque c'est tout le temps ce qui continuait de planer. Ah, mais ils devaient se connaître, ah, mais peut-être qu'ils étaient ensemble, etc. Alors là, déjà, c'était saisissant. On avait un Sagnot dans le box. Comment il était? Parce que on en a parlé, on a écrit 3 lignes sur lui. Hein, Sagnot. Il est étrange. Il est étrange. Physiquement, il est pas grand. On a l'impression que les traits de son visage ne bougent pas, et il a les yeux toujours un peu clos. Ouais. Il a pas le regard. Enfin, non, il a pas un regard vif, ça c'est sûr. Et il n'a pas les yeux grands ouverts. Bon. Et il bouge peu, il est économe de mouvements, d'expressions. Bon, on a l'impression d'avoir affaire à une statue. On a l'impression qu'il est absent, mais pas du tout. Il est extrêmement présent, très à l'écoute. Il suit vraiment minute par minute tout ce qui se passe à son propre procès. Et il répond pas à côté, de manière intelligible. Et il explique pourquoi à un moment il s'est présenté à la police en disant bonjour, c'est moi, tous les deux. C'était un désir de rédemption, un besoin de rédemption. Il a considéré que il fallait qu'il obtienne le pardon de Dieu. Alors, je sais pas très bien quel Dieu, parce que la religion est un petit peu compliquée dans la tête de David Sagnot. Mais en tout cas, il avait un besoin de pardon il était donc sorti de prison 8 jours avant cette ça, 8 jours avant qu'il ne se rende au commissariat, il était sorti de prison. En prison, il était sous traitement neuroleptique. Quand il est sorti de prison, il n'est pas allé voir un médecin, un psy, etc. Donc, il prenait plus de médicaments et il s'est senti repartir et il a senti qu'il risquait de tuer à nouveau. En tout cas, c'est ce qu'il a expliqué. Et pendant le procès, quels sont les regards entre Sagnot et Machin ? Ils se sont pas regardés. Ils se sont pas vraiment regardés. Marc Machin, il est arrivé égal à lui-même, nerveux, un peu en colère, cette colère rentrée qui perce souvent malgré tout. Et il parlait à toute vitesse. Et David Sagnot l'a écouté à peu près sans réagir. Mmh. Valérie Mahaut, on va souffler 3 minutes et on va parler ensuite de ce Jean-Claude Mulet, spécialiste des aveux, parce que celui-là, il vaut le détour. Il vaut le détour. À tout de suite. Je me souviens de chaque jour de ma vie. Je m'en souviens si bien que je veux oublier. 3 bouteilles vides, on roulait vite. On aurait dit la fin d'un film. Ce flash tourne encore en boucle. Tout est trop clair comme dans un rayon. La coupeur s'est crachée, j'entends encore le son. Bruyant comme la mort dans une belle chanson. Mauvais souvenirs qui reviennent comme un thème. Qu'est-ce que vous venez foutre à 7h dans ma tête? Oh, oh, oh. Cette putain de vie se crache trop souvent comme un test. Et je suis trop fier pour demander rien qu'un peu d'aide. Oh. Je regarde mon père prendre un appel. On lui dit que son pote s'est fait tirer dessus. Abattu comme dans un cartel. Pourquoi je me rappelle de ça maintenant? Je sais enfin vivre avec un cœur en maintenance. J'écoute Elliott Smith à l'avant du bus. Le son va bien avec les images. Ça me fait sourire comme si j'avais pas si mal. Mauvais souvenirs qui reviennent comme un thème. Qu'est-ce que vous venez foutre à 7h dans ma tête? Oh. Cette putain de vie se crache trop souvent comme un test. Et je suis trop fier pour demander rien qu'un peu d'aide. Oh. Oh. Manquez plus que tes larmes pour faire déborder le vase. Tu sais comment c'est, aime-moi jusqu'à ce que ça fasse mal. Rien de neuf que le mal. C'était déjà foutu avant même qu'on rentre en phase. Ma chérie, fais-moi du bien jusqu'à ce que ça fasse mal. C'est l'inverse que j'aurais pas trouvé normal. Valérie Mahaut, donc ce Jean-Claude Mulet, spécialiste des aveux, une sorte de flic d'élite qui doit peut-être provoquer l'admiration de ses collègues, je ne sais pas. Mais enfin, lui, il arrive sûr de lui, hein, vous allez voir, celui-là, je vais le faire avouer. Bon, là, c'est terrible, parce qu'il lui fait avouer quelque chose qu'il n'a pas commis. Lui, le spécialiste des aveux, mais qui est ce personnage? Alors, il était quand même admiré de certains de ses collègues et moqué d'autres. Hein, comme, ah oui, quand même. Ah oui, oui, oui, oui, oui. Non, non, mais tout le monde se pâmait pas devant Mulet et ses méthodes. Mais c'est un type, à l'époque, qui a au moins déjà 30 ans de police, je pense, et qui est procédurier. Son travail, c'est de faire en sorte que la procédure soit parfaite, il relève les indices, etc. Bah, le dossier, enfin bon, hein. Et puis il a développé cette technique. Technique, ouais, en tout cas cette d'interrogatoire. Cette appétence, oui, voilà. Mais je crois qu'il aime ça. Il n'y a pas que des défauts. Il aime essayer de s'intéresser, essayer de comprendre et comment les gens ont pu déraper, voilà. Mmh. Mais le problème, c'est qu'il ne doute pas de lui. C'est ça. Donc, Le postulat pour lui, c'est qu'il est coupable. À partir du moment où il a intégré cette idée que personne ne peut l'en faire changer, il va s'évertuer à... avoir, pas extorquer les aveux, mais avoir les aveux qui correspondent à sa conviction, en fait. Ah bah là, en l'occurrence, c'est quand même à peu près ça. Hein, c'est, On peut parler d'extorsion d'aveux ? Ça me semble un peu fort, quand même. Ouais. C'est... Oui, parce que c'est une méthode professionnelle. Ouais, c'est, ça me semble un peu fort. Mais il l'a bien manipulé, en tous les cas. C'est, et puis, en disant quand même n'importe quoi, aller jusqu'à faire croire qu'on pourrait faire passer ça en homicide involontaire. Oui, non, mais, c'est un peu fou. N'importe quoi, c'est n'importe quoi. Donc, il ose quand même, voilà, Mulès, il ose. Ouais. Et, encore une fois, je vous dis, je pense qu'il a certaines compétences, mais mal utiliser ses compétences, c'est vraiment c'est dramatique, c'est dévastateur. Et le souci, c'est que il ne se remet pas en question du tout. On l'a entendu tout à l'heure. Mais on l'a entendu tout à l'heure. Mais même quand il prend le Marc Machin, 19 ans pendant 10 minutes, mais comment en 10 minutes il peut aller, enfin l'amener à le convaincre de faire des aveux et être tranquille avec ça. C'est... Moi, j'arrive pas à saisir, hein, quand même. Hein. Et effectivement, des années après, non, il revient toujours pas sur son grand talent, quoi, Jean-Claude Mulès. Il livre quand même au procès de David Sagnot. Il y a eu une espèce de parenthèse, erreur judiciaire, si vous voulez. Courroy, il avait fait venir Marc Machin et Jean-Claude Mulès. Il a été quand même très bousculé, Jean-Claude Mulès, hein, par Courroy, qui était remonté comme un coucou, lui aussi, qui voulait quand même le mettre face à ses... responsabilités. Ses responsabilités, absolument. Mais... Non, il n'en est mort tout. Ah non, avec une arrogance inouïe, il continuait de dire, mais enfin, je sais, je suis compétent, j'ai ma méthode. Dans sa méthode, il y a parfois appuyé sur la glotte. Bon, voilà. Ah bon ? Bah oui, ah bah oui, quand même, oui. Ah ouais. Et puis, il explique que... interroger un suspect et l'amener aux aveux, c'est une partie de poker menteur. Bon, c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça, quand même, quoi. Un petit peu plus subtil. Le fait que Monsieur Machin, père, était policier, est-ce que ça a eu une influence ? De mon point de vue, non. Bon. Non. Non, le père, il travaillait dans une brigade qui allait chercher les sans-abri, je crois. Non, je crois pas. Bon, enfin, comme il était policier, ils l'ont fait venir. Ça a peut-être fragilisé, même sans doute fragilisé Marc Machin quand il s'est rendu compte que son père avait un doute aussi sur ce qu'il pouvait éventuellement avoir fait. Mais je crois pas que ça ait eu des conséquences énormes. Alors, le bénéfice du doute, de toute façon, aurait dû bénéficier à Marc Machin lors de ces deux procès aux assises. Apparemment, alors vous n'avez pas assisté aux deux premiers procès. Non. Vous êtes entré en scène, vous, pour l'écriture de ce livre, si j'ose dire, au troisième procès. D'ailleurs, ce procès totalement surréaliste, le troisième procès de Marc Machin. Au oui. moment où on sait, il se tient, alors qu'on sait que c'est pas lui qui a tué. Et pour cause, c'est un autre, et cet autre, il l'a dit. Alors, il y avait toujours la révision, enfin la cour de révision disait qu'il fallait... aussi annuler, enfin étudier éventuellement, supprimer pardon, des zones d'ombre. Oui. Bon, la zone d'ombre, c'était est-ce que Machin et Sagnot se connaissent. Voilà. Parce qu'on sait qu'ils ont séjourné ensemble à la maison d'arrêt de Nanterre, enfin au même moment à la maison d'arrêt de Nanterre. La crime, c'était avait drôlement travaillé le sujet là, mais il y a absolument rien pour dire qu'ils se croisaient. David Sagnot, enfermé dans sa tête et ses délires, il restait tout le temps cloîtré dans sa cellule, il ne sortait pas. Pourtant, ils étaient à 7 cellules d'écart au même étage à un moment, mais d'après le personnel pénitentiaire, etc., les deux hommes ne se sont pas croisés. Mmh. Voilà. Et Sagnot, il l'a dit très clairement à plusieurs reprises, qu'il ne connaissait pas Marc Machin. Alors, dernière question, comment réparer une erreur judiciaire ? Alors, on disait que moralement, quand on était en prison et qu'on n'a pas mérité, qu'on n'a rien fait, bah, ça n'a pas de prix, mais officiellement, ça a quand même un prix, ce qu'on appelle une indemnisation, dont a bénéficié Marc Machin. Voilà ce qu'en disait France Inter en juin 2014, précisément Nathalie Hernandez du service police-justice de la rédaction. C'est la dernière étape, celle de la réparation pécuniaire. Mais il n'y aura jamais de pleine satisfaction pour mon client, Hassène Maître Louis Balling, face à cette douleur terrible d'avoir perdu tant de liberté, perdu une chance de travailler, de vivre tout simplement. À cela s'ajoute, poursuit l'avocat, la souffrance de sa famille, l'opprobre jeté sur elle. Et Marc Machin, dit-il, risque de rester longtemps l'innocent du pont de Neuilly. Sur le banc, le grand gaillard de 32 ans, innocenté il y a 2 ans, sanglote en écoutant son défenseur et évoquer à nouveau son passé. Pas de sentiment, mais du pragmatisme pour la représentante de l'État. Pour elle, 2 millions d'euros, c'est une somme déraisonnable. Maître Bourdet estime que les preuves manquent pour démontrer une réelle perte de chance professionnelle. Le jeune homme, explique-t-elle, n'avait aucun projet avant son incarcération. Des arguments qui font tiquer l'avocat général, c'est un pan de sa vie qui a échappé à Marc Machin. On ne peut exiger d'un gamin de 19 ans qu'il ait trouvé un emploi, répond Lydia Gergen. La justice doit reconnaître qu'elle a contribué à l'échec de la vie de Marc Machin. Le préjudice est extrêmement important. Au juge maintenant de dire combien valent ces années perdues. Ils rendront leur réponse le 30 juin. Donc maintenant, on le sait, 663 000 euros. La justice a toujours beaucoup de mal dans cette démarche qui consiste à réparer une erreur qu'elle a commise. Je ne sais pas si elle a beaucoup de mal. Là, on a l'impression qu'elle a un peu moins de mal que d'habitude. Oui, non, une fois qu'on en est au stade de la réparation financière, parce que c'est le seul moyen de réparer dont on dispose. Hein. Par contre, on a vu au procès en révision qu'elle avait beaucoup de mal à reconnaître, effectivement, parce que l'avocat général qui était au procès en révision, elle a quand même fait en sorte d'épargner le juge d'instruction, qui a quand même, en tout cas, de mon point de vue, commis quelques boulettes, à minima, qu'il n'a pas voulu voir. Tout le monde a minima. Oui, oui, voilà. Bon, donc, oui, la justice a du mal à reconnaître qu'elle s'est trompée, c'est évident. Mais une fois qu'on est au stade de l'indemnisation, ça se fait quand même. Après, le montant, moi, est-ce qu'on peut, franchement, se mettre facilement d'accord sur un montant, c'est super compliqué. Alors, donc, il y a des barèmes, voilà, si on travaille, si on travaille pas, temps par jour, la détention provisoire, le travail qu'on n'a pas eu, voilà, ça devient mathématique, mais est-ce que ça répare 6 ans passés en prison pour rien et une accusation pareille? Non, je suis pas sûre, évidemment. Ben oui. Qu'est-ce que ça vous a inspiré quand vous avez appris les derniers déboires de Marc Machin? Oh, voilà, je me suis dit, mais c'est pas possible. Voilà. C'est tellement, comment dire, c'est désespérant. Je trouve que c'est désespérant. C'est trop triste. Enfin, je trouve que c'est triste qu'il n'arrive pas à rebondir. Bien sûr, ce qu'il a vécu, c'est épouvantable. Il a eu une enfance atroce, cette accusation, ces années de prison. Enfin, c'est un chaos. C'est épouvantable. Mais quand même, c'était totalement, c'est inouï qu'on ait finalement reconnu son innocence. Ça, c'est inouï. Mais il n'a pas su rebondir. Capitaliser ça, c'est quand même dire. Non. Ouais. Merci en tout cas, Valérie Mao, pour merci à vous. Vos éclairages et basés sur l'enquête que vous avez réalisée pour votre livre autour de cette affaire Marc Machin. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le dossier Marc Machin, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Bien sûr, rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles d'ici de France Inter pour toute information complémentaire. Et merci à Henri Bérec qui était à la technique aujourd'hui.